française ou chinoise. Et puis aussi, il a dans ses travaux rencontré beaucoup de conflits et tensions interculturelles. Et c'est comme ça, c'est aussi un ancien ami à moi, c'est comme ça que nous avons rencontré par hasard les écrits de François Julien. Et maintenant, je donne la parole à Bernard Gann. Je prends le micro. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de pile. Oui, bonjour et merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. En fait, moi, je crois que j'ai rencontré le travail de François Julien. En fait, je le connais depuis une douzaine d'années, le travail. Mais l'homme, je le connais depuis 2 ans, c'est tout. Mais bon, j'ai laissé faire, je dirais, les fils du jade, comme ça, pour que ça se présente et que ça se développe. Voilà. Et bon, il faut prendre les choses comme elles viennent. Et je pense que, donc c'est un plaisir d'être ici. Pardon ? Ah, faut le prendre ? D'accord. Alors, ça sera un peu différent, effectivement, des interventions précédentes, dans la mesure où, je me présenterai, j'ai été déjà présenté. Effectivement, en plus, j'ai encore suivi un itinéraire, mais qui n'est pas nécessaire, et qui, c'est par accident que je me suis retrouvé, par hasard guidé que je me suis retrouvé en Chine. Bon, je dis deux mots. Bon, je suis un sociologue du travail et de l'entreprise. J'ai dirigé pendant une quinzaine d'années un groupe qui s'appelait un groupe du CNRS qui s'appelait le groupe Lyonnais de sociologie industrielle. Ce groupe avait deux caractéristiques, c'était de faire beaucoup de terrain avec les entreprises, dans les ateliers. Et puis, j'ai rajouté à ce groupe-là une façon de travailler en sociologie. Je dis bien de travailler avec l'image. C'est-à-dire que je pense, et maintenant ça fait 20 ou 30 ans que je pratique l'image dans les recherches, et que l'image est un outil absolument incomparable. C'est difficile à faire passer comme idée, on pourra en discuter éventuellement, parce qu'en fait, l'image, on a tellement d'images, on est tellement submergé d'images, mais je crois qu'il y a une façon de travailler qui fait que l'image peut être tout à fait un outil et un support absolument incomparable. Et je dirais encore plus sur les questions qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, comment je me suis retrouvé en Chine, très rapidement quand même, pour situer un petit peu cela, c'est que, en fait, j'avais commencé à travailler sur une entreprise française, alors je suis un peu socio et anthropologue. C'est, vous savez, les limites sont pas extraordinaires, elles sont fluentes là aussi, vous voyez. Et j'avais étudié et filmé une entreprise française qui sont les papeteries Canson et Montgolfier. Bon, vous avez tous dessiné, un certain nombre d'ici ont dû dessiner sur du papier Canson, on n'y échappe pas. Et donc, je l'ai suivi sur 30 ans, et je l'ai filmé pendant 25 ans. Donc je l'ai filmé au stade où elle était une entreprise familiale avec un descendant d'Edmond Golfier à sa tête, ça c'était les années, 75-85. Ensuite, cette entreprise s'est complètement flexibilisée, et on a continué à la suivre. Elle est devenue un modèle de flexibilité. On parlait tout à l'heure de groupes autonomes, etc. Donc nous, on l'a suivi. On a fait des études qui ont duré pendant 18 mois avec 15 mois de terrain, 3 mois de caméra, etc. Je passe un peu sur les détails. Et puis cette entreprise ayant réussi sa reconversion, elle s'est dit après, je me mondialise. Et alors, en 95, ils ont dit, je coupe le monde en 4 et je vais en Chine. Bon, nous, on les a suivis. En 97, ils se sont implantés à Qingdao. Ça a été le petit doigt que j'ai mis en Chine. Bon, je crois qu'après, j'y ai passé un peu un bras et puis beaucoup plus. Et puis, je me suis mis à travailler avec les collègues chinois, découvrir des réseaux, travailler sur... Alors, il y a eu des stages, j'ai travaillé sur des entreprises d'abord occidentales qui s'implantaient en Chine. Et ensuite, actuellement, nous travaillons sur les entreprises chinoises et sur ce qu'on appelle les clusters industriels, c'est-à-dire les zones de concentration d'industrie qui sont dans des zones bien données. Tout ça pour situer le travail. Alors, j'utilise l'image, mais pas que l'image, bien sûr. On publie, on étudie, on fait des enquêtes classiques, mais l'image est un outil tout à fait incomparable. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est effectivement l'écart et l'antre et comment on utilise un peu tous ces travaux. Alors, moi, c'est sûr que j'ai fait beaucoup de pragmatisme, beaucoup d'études, beaucoup de pragmatisme, et puis tâcher d'interpréter un petit peu les différences. Donc, on est en plein dans le thème d'aujourd'hui sur l'écart et l'antre, parce qu'à partir du moment où on a commencé à travailler sur... sur l'Asie, dans les entreprises en Chine, les rapports entre les différents acteurs, etc. Bon, ben, ça a été un monde à inventorier et un monde qui nous a assez profondément changé. Alors, comme le thème, c'est de dire comment on utilise un peu tout ça, je vais vous présenter... Vous m'excuserez, j'ai pris mal à la gorge, et donc j'espère tenir jusqu'au bout. Je vais vous présenter donc quelque chose qui c'est comment un sociologue a pu utiliser ces travaux-là, à quoi ça lui a servi, et puis comment il a fait et à quoi ça lui a servi. Quoi, c'est un peu le thème. Donc j'ai appelé ça immanence, indétermination et changement. Alors pour une heuristique renouvelée des liens et logiques d'action en sociologie. Parce que je crois que ce passage, ce détour, tout ce qu'on a dit sur ce détour, m'a amené à changer la façon de travailler sans doute, et de concevoir les choses, et puis peut-être aussi de penser, d'essayer de voir comment on pourrait essayer de penser autrement certains aspects de notre société. Donc, je vais vous faire une présentation en trois temps, qui rejoint un petit peu la méthode qu'on a employée, puisqu'on est des sociologues d'abord de terrain, on n'est pas des... On fait de la conceptualisation, mais après, à partir de ce qu'on voit. Donc la première partie, ça va être d'appréhender les écarts et les décalages, comment on a fait. Je vais me servir de l'image, je prendrai trois exemples pour ça, enfin deux avec l'image et un autre. Et ensuite, essayer de voir comment l'univers auquel cela renvoie, finalement, nous a amené à réviser un certain nombre de catégories, à montrer les insuffisances. Et donc à travailler autrement et à comprendre les choses autrement. Et puis j'aimerais terminer en conclusion un peu sur comment cela a changé notre façon de travailler en sociologie et surtout faire un retour sur quels outils ça nous donne peut-être pour étudier notre propre société aujourd'hui. Parce que là, on parle beaucoup du passé, on a des cultures assez fixes, etc., telles que j'entends ici. Et je pense qu'il y a des outils derrière. Si on pousse certaines des méthodes et certains des concepts qui peuvent peut-être nous aider à avancer, ça pourrait être un programme de travail autour de ça. Donc si vous voulez, ça va être les trois points du travail. Donc appréhender les écarts et les décalages. Alors on va faire un travail un peu d'investigation, c'est-à-dire là on va prendre trois domaines qui seront comme autant de champs qui nous amèneront à repenser nos évidences. Alors, je vais prendre un décalage dans le domaine technique, parce que le domaine technique, c'est quand même bien, théoriquement, c'est le domaine où on s'entend le plus. C'est un langage qui est censé être universel, et donc on doit s'entendre autour de ça, et donc essayer de voir ce qui se passe dans l'utilisation, effectivement, du domaine technique. Puis on va peut-être voir que ceci nous oblige à repenser l'évidence de nos approches cognitives. Ça, c'est le premier point. Le deuxième sera un petit peu un décalage et étudier les décalages dans le domaine des systèmes d'action qui amènent à remettre en perspective l'évidence des champs de nos formes d'agir. Et le troisième sera, à partir d'une enquête que nous avons menée et que nous continuons de mener d'ailleurs actuellement sur les clusters chinois, décalage dans le domaine des pratiques sociales et politiques. Sujet d'actualité, bien évidemment, poussant à repenser peut-être l'évidence des liens entre principes et pratiques politiques, et donc à réfléchir un peu autrement. Alors, je vous invite à ce petit voyage d'analyse des décalages. Donc, on va commencer. Alors, je ne sais pas si je vais vous dire. On va commencer par. D'abord, par voir un extrait, puis je vais vous le commenter. Donc, c'est extrait d'une. On a filmé un certain nombre d'entreprises qui se sont implantées en Asie. Au Japon et en Chine, et on a filmé aussi au Vietnam. On vient de terminer quelque chose sur le Vietnam. Et on a ouvert une collection qui s'appelle « Entreprises dans la mondialisation », c'est pas du film de télé, c'est du film de recherche, c'est-à-dire c'est du film d'observation, c'est du film de terrain. On ne fait jamais rejouer aux gens. Nous, on arrive, et nos films sont les films de la recherche même, y compris les imperfections, etc. Ceci dit, on travaille de façon professionnelle pour ça. Voilà, avec une équipe qui... Voilà. Donc, on va regarder un premier extrait. Alors, ça, c'est une entreprise grenobloise qui, maintenant, est le numéro 2 dans les clips automobiles. Le clip automobile, c'est tout ce qui est raccord et fixation. Et qui se sont implantés dans les années... au Japon, vers 92, et en Chine, vers 95. Et on a suivi un petit peu leur implantation. Et donc, on va voir un petit peu un témoignage du PDG sur les aspects techniques et nous parlant des problèmes qu'il y a, des problèmes de discussion entre ingénieurs. Alors là, j'ai pris la partie japonaise, entre ingénieurs japonais et ingénieurs grenoblois. Mais je pense que ce qu'on pourra voir à partir de là fait ressortir un certain nombre de choses qui sont valables pour la Chine. J'en parlerai après le commentaire. Donc, je crois que c'est dans l'index. Pardon. Ah oui, d'accord. Donc, face au risque interculturel, voilà. Mode de raisonnement. Bon, ça va durer 2 minutes, hein, c'est pas très long. Industriel, certainement quelque part, mais aussi c'est parce que les Japonais, ils travaillent toujours comme ça, ils veulent savoir mais pourquoi vous utilisez ce plastique, mais comment, ils veulent remonter en amont, pourquoi on fait des choix comme ça, pourquoi cette pièce elle est comme ça et pas autrement, pourquoi là il y a un bord rond et pas un bord carré, pourquoi on a fait ci, pourquoi on a fait ça. Et nos ingénieurs grenoblois ont dit mais ils sont fous, on n'a jamais travaillé. On a démarré la production en 97 et avec un transfert de technologie des machines françaises, pas françaises, des machines européennes, tout notre outil, on l'a validé ici, débloqué, fait fonctionner, on l'a transféré tel quel au Japon, avec nos informaticiens, avec tout le monde. Ça a été un gros transfert technologie et ça a été très, très, très dur. Très dur parce qu'on s'est dit, ils n'y arriveront jamais. Rien ne marchait, ben parce qu'ils apprennent différemment. Et bon, c'est aussi ma conclusion, c'est-à-dire qu'ils ont leur apprentissage se fait en commençant par les détails. Alors que nous, on essaye de comprendre en gros, et ensuite on demande de plus en plus pour comprendre les détails. Eux, ils commencent par les détails, et après ils comprennent l'ensemble. C'est peut-être un peu schématique ma réflexion, là, mais c'est ce qu'on a tous un peu constaté. Et on se disait, mais ils nous demandaient des trucs, on disait, comment marche la poignée de... Bon, attendez, là, la poignée, on va déjà vous expliquer la machine. En France, la qualité est jugée par la fonction. Au Japon, la qualité était plutôt jugée par les dimensions. En autre terme, en France, ce produit a une fonction de permettre une licence. Ou bien circuit d'essence dans l'automobile. Tant que ce produit arrive à assurer une circuit d'essence sans fuite et également assurer une performance telle que je vous ai dit, effort d'arrachement, introduction, ça passait. Ou bien ils ont accepté. Au Japon, le contrôle qualité s'est passé à partir de contrôle dimensionnel qu'ils ont décomposé ce produit en chaque pièce constituante. Et ils ont mesuré un par un à partir du plan que nous avons présenté et la tolérance que nous avons présentée. Excusez-moi. C'est moi qui ai arrêté. À la limite, on n'est pas forcé d'aller au bout. L'important, c'était le début. L'important, c'est le début parce qu'on veut le prendre comme... Tu prends le micro, c'est ça. Ah, pardon, oui. L'important, c'était le début. Non, on veut le prendre comme purement anecdotique. Hein. C'est vrai que, bon, l'incompréhension... Alors d'ailleurs, c'est intéressant de réfléchir. Une scène comme ça, on peut la prendre à 3 niveaux. C'est-à-dire, vous pouvez la prendre, j'y comprends rien. Bon, ils sont fous. C'est ce qui s'est dit, enfin, ou à peu près, quoi. C'est incompréhensible. Ça, c'est le premier niveau, bon, je dirais, qui est normal. Moi, je dis souvent aux gens, c'est souvent une première réaction qu'on peut avoir. La deuxième, c'est de chercher, effectivement, de positionner le problème, et puis, pour chercher à comprendre ce qu'il y a derrière. Hein, ça, c'est... Donc, vous voyez que le questionnement est très important par rapport à une situation. Et la troisième, c'est de réinscrire ça dans un ensemble. Donc, qu'est-ce qui est dit là ? C'est quelque chose qui me semble tout à fait fondamental et efficient pour comprendre les choses. C'est-à-dire que les systèmes cognitifs ne fonctionnent pas du tout de la même façon. Alors, ils fonctionnent même de façon opposée. Alors, il y en a qui pourraient dire, oui, c'est ça, il fonctionne à l'envers, hein, on pourrait dire. Hein. Non, il fonctionne à l'opposé. Et c'est-à-dire que, pour arriver à se comprendre, pourtant, dans le discours ingénieur qui devrait être le plus général possible, on n'y arrive pas parce que l'un part du haut, en disant, ben voilà, hein, c'est ça. On part du haut, de l'idée, etc. Le reste, c'est des détails qu'on ne nous embête pas avec ça. Et alors que, de l'autre côté, on a besoin, alors on ne dira pas des détails, d'éléments analytiques que l'on va assembler pour atteindre le tout. Ah, c'est en fait deux mouvements très profondément différents. Très profondément différents parce que ça structure tout un système d'approche des choses. Et j'avoue que ce passage, je l'ai énormément passé tant dans des publics et dans des publics asiatiques, et ça fait respirer beaucoup de gens dans les publics asiatiques. Parce qu'ils avaient l'impression d'être, je ne dis pas enfin, mais un peu compris. C'est-à-dire qu'autrement, on est dans l'incompréhension la plus complète. Vous pouvez mettre tous les éléments généraux, universels que vous voulez. Si vous n'avez pas compris que ce sont deux systèmes différents, qui fonctionnent deux mouvements différents, vous n'avancerez pas d'un pouce. Alors, ça paraît anecdotique, ça se passe au Japon. Mais on le trouve, moi je l'ai trouvé en Chine plusieurs fois, et je l'ai trouvé, ça peut aller très loin. Ça peut aller jusque dans la division du travail même. Hein, parce que nous, on va beaucoup dans les ateliers. J'ai comparé, par exemple, une organisation plastique dans la zone de Yona en France, qui est la capitale du plastique, et puis dans ces zones où ils font du plastique, là, d'une certaine façon. Et en fait, ce qui est très intéressant de regarder, c'est que les qualifications, puisqu'on est allé jusqu'à regarder ça, ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que dans un cas, effectivement, donc ça renvoie aussi, parce que vous avez le système cognitif qui fonctionne différemment, et le rapport, je dirais, le rapport à la fonction contre la dimension. Alors quand vous redoublez ça, c'est vrai que vous n'arrivez plus à vous entendre. Et dans les usines, qu'est-ce qu'il y a à Oyonnax ? À Oyonnax, on fait en gros la machine, effectivement, et alors on fait toutes les opérations, puis à la fin, vous avez un ajusteur, quelqu'un qui vient ajuster l'ensemble. Vous allez dans des usines chinoises, dans des ateliers chinois, je ne sais pas si ça évolue, j'aimerais bien y retourner pour voir, mais en fait, on prend les pièces une à une, on regarde strictement leurs dimensions, et on les assemble. Et il n'y a pas de rectifieur global après. Vous voyez que ça peut aller assez loin, c'est-à-dire que ce type de modèle, c'est un style de modèle de cognition, en fait, qui est tout à fait intéressant de ce point de vue-là. Parce que ça veut dire, alors là on en parle de temps en temps, c'est des scènes qu'on a prises et qu'on commente ensemble maintenant avec le professeur Wurong Miao, dans un DVD qui sera apparaître en fin d'année qui s'appelle « Face à face au travail ». Et je pense que ça a beaucoup à voir, y compris, sans doute, alors il sera plus qualifié que moi pour le dire, avec le langage. C'est-à-dire qu'on a une langage où, quand on assemble des caractères par petites unités, qu'on les met ensemble et qu'on bâtit, on va vers le tout. Hein, et le sens, il vient à partir de là, et pas dans l'autre sens. Voilà. Et alors que nous, c'est vrai, on dit, et c'est cohérent, on dit, on part du tout, on descend, et puis le reste, c'est des détails. Mais ça peut être une incompréhension tout à fait profonde, mais en même temps, ça renvoie, effectivement, il y a déjà le début d'un univers, ou d'une lecture de l'univers qui est derrière ça. Et c'est ça qui est tout à fait intéressant. Bon, on va passer à un deuxième cas. Il faut simplement que je change de DVD, excusez-moi. Donc ça va être un autre exemple. C'est là. Donc là, celui-là, ça va être un DVD. On a filmé donc plusieurs types d'entreprises. On a filmé l'entreprise Merial. L'entreprise Merial, c'est une entreprise qui est donc c'est le numéro 1. Maintenant, c'est le numéro 1 des vaccins animaux. Hein. Donc, ils se sont implantés également au Japon et en Chine. On a fait un film sur chacune de ces implantations. Et donc. Et on a observé, là encore, comment se passaient ces implantations et les problèmes que ça posait au fur et à mesure. Donc là, ça va être le témoignage, effectivement, de deux des dirigeants d'entreprise. Il faut que je retrouve ma fiche, c'est dans les outils, voilà, c'est dans les index, voilà, histoire d'entreprise, incertitude, c'est là. Ah non. Attendez, il faut que je regarde ma note parce que je ne savais plus où elle était. Parce que normalement, ça se met en automatique, mais là, ça ne se mettait pas en automatique. Bon, attendez, je vais revenir en arrière. C'est pas interculturalité, non, c'est pas là. Je reviens sur le retour. Je vais faire un retour. C'est en... Oui, ça va être là, peut-être. C'est dans les bonus. Voilà. Et ça va être le début de ce passage-là. Et je vais tâcher d'avancer. Ce qui me frappe un peu en Chine, c'est qu'il faut un axe, mais on ne sait jamais les chemins que l'on va prendre. C'est en ce sens-là, c'est un axe fort, mais après, accepter l'incertitude et travailler toujours dans l'incertitude. Oui. Parce qu'on ne sait pas les chemins. Et très souvent, dans le système peut-être de pensée occidentale, surtout lié aux entreprises, c'est qu'on se donne un axe et les moyens, et on n'en bouge plus, parce qu'on pense qu'il n'y a que ces moyens-là qui permettent d'obtenir ce but-là. Et donc, on cherche à appliquer le modèle parfois quand on vient ici. Et puis, en fait, absolument, il faut aller. Je vais avancer un peu. Il faut la décrypter. Attendez, parce que si vous arrivez à vous renseigner sur l'énergie, en fait, et leur donner les arguments qu'ils vont accepter, qui ne sont pas du tout forcément du tout objectifs. Stratégie, et si vous arrivez à décrypter l'ensemble et avoir justement cette souplesse d'y aller ensemble, et là il faut vraiment comment dire, sortir d'une pensée cartésienne, la pensée dans laquelle on est élevé nous, et qui fait que vous passez d'une étape à l'autre et que vous êtes très fiers parce que vous développez cette logique et qu'elle vous emmène quelque part là où vous pensez vous vouloir aller. Je pense que il faut absolument essayer d'oublier ça. Et si vous voulez, un Chinois dans son mode de pensée, lui, il va imaginer plusieurs scénarios. Et des scénarios qui nous paraissent très complexes alors qu'ils ne le sont pas. Il faut voir où est l'image, en fait, c'est un pulse. Et je crois qu'il y a plusieurs façons d'arriver au même endroit. Donc, il faut avec lui arriver à sortir absolument de ce mode cartésien, sinon vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi c'est si compliqué, qu'est-ce qui se passe, etc. Pour essayer d'avoir cette analyse plus globale, de loin. Et puis en même temps, gardez votre logique cartésienne à vous, parce que c'est quand même celle qu'elle vous permet d'avancer, vous et la société que vous représentez, quoi. Et ça, c'est très intéressant. Le chinois, comment dire, je dis, c'est l'homme de situation. Ah, oui. C'est comme les Japonais. Les Japonais, c'est pas les faciles logiques. Et nous avons un proverbe en Chine, c'est de dire, on forme les soldats pendant 1000 jours pour utiliser pour un moment. Le chinois, c'est vraiment l'homme de situation. Il a beaucoup de scénarios, il pense toutes les façons qui peut évoluer. Et il prend à ce moment-là, peut-être ce n'est pas les meilleures décisions, mais à ce moment-là, les bonnes décisions à l'heure. Parce qu'au fond, il multiplie les possibles, voilà. Par rapport à la pensée cartésienne qui est linéaire d'une certaine façon, causale et linéaire. Là, c'est multiple. Et effectivement, et c'est un autre rapport au temps aussi. Exactement. Puisqu'on peut optimiser et dire c'est à ce moment-là que ce moment-là est important. Voilà. Mais je pense que là où on peut avoir une bonne synergie, si on s'entend bien avec des collègues chinois, et si on les connaît bien, c'est que si on arrive à vraiment avoir cette synergie de pensée, qu'est-ce qu'on est efficace. C'est extraordinaire. Et donc moi encore, là, bien que j'en sois maintenant à 5000 km, j'aime discuter de choses avec eux parce qu'ils vont ouvrir mon champ de pensée et tout d'un coup, on va trouver ensemble quelque chose qui va être beaucoup plus efficace que si j'y avais pensé de mon côté, et j'espère aussi que s'ils y avaient pensé du leur en même temps. Donc il faut donner les paramètres, on est pressé. Tout ce qu'on peut y mettre. Voilà, donc on est pressé, on va couper. Simplement une deuxième situation qui indique aussi la différence. Ah oui, excusez-moi. Qui indique bien la différence des champs de référence. Et ça, c'est très important. Donc le premier, on était système cognitif qui ne marche pas dans le même sens. Et là, dans le second, c'est qu'on est dans les formes d'agir et le rapport de l'être au monde et la façon de percevoir l'environnement est aussi très différent. Hein, c'est-à-dire là, ce qu'elle dit bien, c'est c'est ce qu'on trouve chez Françoise Julien, c'est l'efficacité, une action que l'on mène en fonction d'un but, etc. Ou au contraire, un espèce de puzzle, comme ils disent ici, un puzzle très large, qui est le champ de référence de l'action et qui va permettre dans lequel on va se mouvoir. Quoi. Donc deuxième élément. Le troisième élément, je ne vais pas passer de film, ça va concerner les décalages dans les modes de développement des pratiques économico-politiques. Donc on avait c'est à partir d'un travail que l'on fait actuellement sur les clusters industriels chinois, donc dans la région du Zhejiang. Les clusters industriels, c'est des concentrations d'industries dans très spécialisées dans une province avec des villes champignons qui se sont spécialisées sur un produit. Et bon, il y en a dans différentes provinces de Chine, mais il y en a en particulier dans le Zhejiang. Et ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est de se dire comment, qui était une des plus pauvres provinces, hein, ils sont passés de la 21e province en 80, et maintenant c'est la 3e province pour le développement. On verra pourquoi, parce qu'il y a des centres aussi. Et c'est un développement, on pourrait dire, en quelque sorte, spontané. C'est pas le développement, ce qu'on montre habituellement, avec les multinationales internationales qui viennent s'établir. C'est un développement qui s'est fait spontanément. On a étudié, en fait, nous, les phases de développement de cette zone, qui est tout à fait intéressante, on en reverra à bien des points de vue. Et on a étudié comment c'est fait, comment est-ce qu'on est passé d'une absence et même d'une condamnation des activités économiques dans les années 80, comment on est passé à un tel niveau de développement actuellement, avec un modèle qui maintenant devient un modèle même de développement pour, non seulement pour, bien sûr pour le Zhejiang, pour la Chine également, et c'est un modèle qu'ils exportent même maintenant à l'extérieur, puisque on le retrouve à Prato, où j'ai pu aller, où c'est le modèle du Zhejiang qui est là, à Prato en Italie. Donc, on a étudié les phases de développement de ça, j'aurai pas le temps de beaucoup m'arrêter, elles sont assez intéressantes, parce qu'on passe vraiment de la première phase, c'est on emprisonne. On emprisonne en 80 80 personnes d'un village qui faisaient des activités économiques jugées illégales. Ils n'avaient pas le droit de le faire. Et puis, réaction locale, accord tacite avec des collectivités locales pour quand même ne pas mourir de faim. C'était à peu près ça ce qui se passait. Et donc les collectivités locales servent de chapeau rouge, d'ailleurs, comme il était dit, hein, pour dire, bon, ben, on couvre vos activités. Donc ça a été la première phase. Il y a 5 phases de développement, mais je vais passer très très vite. Et puis, ça va réussir. Ils n'avaient pas bien le droit de faire ça, mais ça va réussir. Les autorités au-dessus ne disaient rien. Elles ont laissé faire. Il y a toujours un laisser-faire comme ça, hein, qui est important. Donc là, et la première étape donc, va être marquée par ce sursaut et par le développement. Et ce qui veut dire qu'au moment où il y aura la libéralisation et la possibilité de développer en fait, des activités, des entreprises familiales avec cette personne, hein, c'était pas énorme, brusquement, comme ils étaient rodés à des activités, pratiquement l'ensemble du village, et sur 180 familles, 170 vont vite, aussitôt créer une activité officielle artisanale. Puis la deuxième phase, ça va être d'étendre ce système au village, de l'organiser, de l'institutionnaliser, parce qu'il n'y avait pas de banque, donc il fallait mettre des banques, fallait qu'il y ait un certain nombre aussi de revenus qui viennent localement, etc. Donc ils bâtissent tout un espèce de système. Et un système, alors à chaque fois, à chaque étape du développement, c'est ça qui est important, c'est que c'est marqué par un espèce de slogan. Alors nous, on a une notion des slogans descendants. Et là, c'est un slogan qui, au contraire, qui proclame, par exemple, dès les années 83, qui proclame l'exemple des trois unions. Hein, le slogan des trois unions, celle des familles, des ateliers de production et des services communs. Où les quatre roues tournant ensemble. Les quatre roues tournant ensemble étant celle des ateliers familiaux, de la Confédération des entreprises, des autorités publiques, etc. et celle du bourg. Et puis, trois ans après, il y aura 2000 entreprises dans cette zone. La période suivante, la troisième période, va encore s'étendre à d'autres villages. Et puis là, on va continuer d'officialiser les choses au fur et à mesure, hein, avec un assez fort développement venu de la base. C'est ça aussi qu'il est intéressant de noter. Et là, on va avoir des slogans qui apparaissent. On va arriver dans les années entre 85 et 90 à 3800 entreprises localement, avec des slogans qui vont être « L'ouverture rend le district prospère, l'industrie rend le district tout puissant ». C'est-à-dire, c'est la reconnaissance de ce qui était interdit avant. Hein, par un slogan qui... voilà. Et puis, la quatrième période, on va au contraire développer des industries, des villes industrielles très spécialisées, justement, parce qu'on va profiter, on va dire, bon, faut ordonnancer ça. Donc les villes vont spécialiser leurs activités les unes par rapport aux autres sur des produits. Donc c'est pour ça qu'on a une ville qui fait des soupapes pour Cocotte Minute ou Rice Cooker. C'est une des entreprises qui a été rachetée par Seb maintenant. D'ailleurs, le numéro 2 des Rice Cooker est dans cette zone-là et a été racheté par Seb. On a travaillé sur une zone qui est du produit métallique. Produit métallique allant des portes jusqu'au... j'allais dire aux petites motos et aux bougies pour les golfs, etc. Enfin, etc. Et donc, après, on va avoir donc encore un autre niveau et où va y avoir officiellement, effectivement, la mise en place de ce qu'ils appellent une économie parcellisée, hein, qui va être même au niveau de la province. Hein, et le tout marqué à chaque fois par des slogans. Et la cinquième étape est en fait toute la province... ordonnance ça, et c'est la période récente 2000-2010, c'est ordonné, les villes sont très spécialisées, et puis le modèle est prôné comme modèle de développement pour l'Ouest chinois, et puis même pour l'international. Alors avec des choses complètement effarantes, mais enfin j'en parlais tout à l'heure, enfin, qui pour nous étonnent beaucoup, ben, c'est-à-dire que ce modèle de développement, il ne se fait pas du tout selon nos méthodes, enfin, si on prend nos outils d'analyse, on n'y comprend rien. Voilà. Donc ça simplement pour dire que ce qui est intéressant dans ce cas-là, alors ça serait un cas de, on pourrait dire, de transformation, pas tout à fait silencieuse, mais quasiment, c'est-à-dire que ça bouge tout doucement par un espèce de pragmatisme où effectivement chaque accord, où on cherche très pragmatiquement un accord social qui est sociopolitique, qui est scellé à chaque fois par un slogan. Le slogan qui peut être un petit peu inverse ou différent de ce qui est fait avant, et on progresse comme ça, et on arrive en 30 ans à avoir dans cette zone un développement assez extraordinaire, bon, pas tout à fait sans le dire, donc c'est pas tout à fait silencieux, mais quand même, parce que c'est scellé par du sociopolitique en fait, hein, et puis qui permet d'avancer, quoi. Donc vous voyez le troisième type de décalage, hein, j'ai parlé en commençant du décalage dans le domaine des approches cognitives, hein, par le haut, par le bas, sur le domaine des systèmes d'action, et globalement avec ce que l'on a vu ici, hein, c'est-à-dire est-ce qu'on fait son chemin ou est-ce qu'on accepte un environnement plus large, et puis là dans ce cas-là, c'est un développement très pragmatique au travers de cet itinéraire. Donc, oh ben non, là je pourrais pas. Là je pourrais pas. Minutes. Je pourrais pas parce que là c'est ma première partie. Alors. Bon. Alors je passe assez vite là-dessus. Effectivement, ce qui est un peu dommage, mais pourrait le voir, c'est édité dans un ouvrage. Et effectivement. Et donc ici. Qu'est-ce qui est important à partir de là, c'est que, bon, pour le sociologue que je suis, ça m'a amené effectivement à dire, bon, qu'est-ce qu'on a là ici? Quel est le résultat de ça? On a d'un côté un système cognitif où l'on atteint le global qu'à partir des éléments particuliers concrets que l'on assemble, que l'on perçoit et assemble. Deuxièmement, je dirais, le réel immanent, il nous dépasse de toutes parts. Il est un espèce d'indéfini. Et l'agir humain ne peut que le laisser être. Et il peut que le laisser être pour pouvoir profiter des potentialités infiniment indéfinies, je dirais, de cet univers-là. C'est ça l'univers de référence pour l'action. Et englobé dans ce contexte, l'agir humain consiste moins à transformer directement le réel des choses, comme on l'a vu dans le cas du Tsetiang, mais qu'à comprendre dans la perspective un petit peu les lignes de force sur lesquelles on peut jouer et de les faire jouer. et puis après on habille ça et éventuellement avec du rationnel, etc. Donc tout ça, en fait, moi ce qui m'intéressait, je m'en suis sorti comme ça, avant de bien connaître ou bien travailler les travaux transfagiaux, c'était de dire, en fait, on a un rapport à l'immanence ici, qui est extrêmement différent, c'est-à-dire que on a l'immanence et première, il y a tout un univers, et donc sa structure, effectivement, non seulement, c'est moins une pensée d'ailleurs qu'un comportement. Et que si on s'appuie sur ces différentes choses, système cognitif, univers de référence pour l'action et système d'action, on arrivera à comprendre des choses un peu mieux sociologiquement. Bon, ça c'était... Alors, rapidement, qu'est-ce que ça m'a amené à faire de partir de là? Ça m'a amené, effectivement, à revenir un peu. Alors ça, je crois que c'est des termes qui ont été beaucoup employés, effectivement, ici, à revenir sur, de façon peut-être un peu plus critique, enfin critique, j'aime pas bien ce mot, parce que, mais enfin si, à réfléchir alors, sur les concepts sur lesquels on s'appuyait en sociologie pour avancer. Et à les relativiser à partir de là, de cette perception. Puisqu'on s'aperçoit que finalement, l'immanence, c'est en fait, donc, cet univers de possibles indéterminés et indéfinis, non hiérarchisés, et où l'homme n'apparaît que comme un élément. Or, c'est précisément ça que la pensée rationnelle et nos systèmes, y compris de recherche ou notre mode, certains des modes de conceptualisation qu'on utilise, tend à réduire. Quand elle découpe, quand elle classifie, quand elle hiérarchise, alors c'est très utile d'un côté, et puis de l'autre, ça peut complètement paralyser de l'autre. Et alors, je voudrais simplement montrer le relativisme, précisément, d'un certain nombre de 5 concepts. Alors, de 5 des concepts qui étaient le plus utilisés, et qui nous empêchaient de voir des choses en Chine, par exemple. En Chine et au-delà, je pense. Par exemple, l'évidence du découpage des objets. Nous sommes des sociologues industriels, on travaille sur l'entreprise, on travaille sur le champ économique, pas de problème, c'est clair, c'est évident. Et quand on a travaillé en fait sur la zone du Zhejiang, qu'est-ce qu'on a vu? On ne comprenait pas du tout ce qui se passait, parce qu'on avait toute la conceptualisation sur les districts industriels italiens, sur les districts allemands, les districts français, bon, etc. Puis ça ne s'appliquait absolument pas, c'est-à-dire La dynamique des districts italiens, elle est vue essentiellement sur un développement endogène des choses, avec les entreprises qui collaborent entre elles. Vous allez dans le Zhejiang, les entreprises ne collaborent pas entre elles. Elles sont concurrentes les unes par rapport aux autres. Et puis qu'est-ce qu'on a découvert? En fait, nous on s'intéresse toujours à la production. C'est évident. Et qu'est-ce qui était important dans le Zhejiang? C'était en fait le commerce. Et que vous avez, alors le commerce, où il y a même un district industriel qui est un district commercial. C'est-à-dire qu'il n'est pas centré du tout sur la production, mais qui est centré complètement sur le commerce. Et qui est en train de devenir une des places les plus importantes du commerce de gros mondial. Qui est parti de rien. Qui est parti des mêmes choses que j'ai décrites en 80, où il n'y avait rien. C'est-à-dire, et en travaillant un petit peu aussi les filières d'entreprise, etc., qu'est-ce qu'on a découvert? Que, en fait, nous qui travaillons toujours sur la rationalisation de la production, pour mieux produire, pour être plus efficient, pour être plus efficace, etc., on a complètement laissé de côté, de ce fait-là, tout l'aspect articulation au commerce, articulation, développement commerciaux, qui ont été faits de façon très pragmatique. La ville de Yiwu a connu, qui est la capitale pour le commerce, a connu 6 étapes de développement entre les années 85 et 2005, mettons. La 6e étape, c'est effectivement un bâtiment de 2,5 km sur 3 étages, avec 60 000 salles de commerce de gros, ouvertes pratiquement 365 jours par an. Et qui rayonnent à partir de là, et on fait des études, bon là j'ai pas le temps, mais les études que l'on fait montrent que c'est un lieu d'adaptation tout à fait important. C'est-à-dire, vous voyez, on n'est plus sur l'histoire de systèmes d'investissement étrangers qui viennent, etc. C'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que c'est un lieu fondamental pour l'adaptation économique, et c'est tiré par le commerce, c'est un développement qui est tiré par le commerce. Si on ne voit pas ça, si on se tient à nos concepts qu'on rigidifie et qu'on sédimente complètement, on passe à côté complètement de choses absolument importantes d'un point de vue pratique pour décrire la Chine et d'un point de vue théorique aussi. Parce que qu'est-ce qu'on a fait, nous, du lien avec le commerce? Pourquoi on s'intéresse jamais à ça, à la distribution? Enfin, sous un angle, sans réduire la distribution à un système d'optimisation de la production. Donc, voilà, ça, c'était un des premiers points. Est-ce que tu en as encore 2 minutes? Bon, ben, j'irai pour résumer la fin. Non, je ne peux pas, là. Le deuxième point, c'est ce qui concerne l'innovation. Alors l'innovation, nous on travaille sur l'innovation, il y a des labos du CNRS sur l'innovation, etc. Et ce concept de l'innovation, il est un peu terrible par certains aspects. Parce que, bon, on le sait, c'est lui qui empêche de voir en Chine comment se fait le développement, y compris industriel. On a eu une thèse qui a été soutenue dans notre laboratoire sur un transfert de technologie. Transfert de technologie d'un moteur de Renault Trucks dans une région de Chine. Et notre doctorant a bien étudié les détails de tout ça. Et en fait, c'est un peu comme le premier raisonnement, c'est-à-dire quand vous suivez l'itinéraire du moteur, le moteur, il ne va pas repasser par du R&D, pour être repensé et remis. Non, on le prend tel qu'il est en son état, et on va l'adapter complètement. Donc, alors, est-ce que notre conceptualisation sur l'innovation, enfermée dans un champ très rationnel, etc., est-ce qu'elle est efficiente, etc., je pense que ça peut être un obstacle. Bon, un troisième obstacle, mais là, on n'aura pas le temps, ça sera traité, je pense, plus par les psychanalystes, c'est le sujet au milieu de tout ça. La sociologie, elle a beaucoup développé l'acteur et le système, le sujet, la sociologie de l'action, enfin, on a toute une sociologie absolument autour de ça. Et bon, ça fonctionne pas du tout de la même façon. C'est le rapport au groupe, etc. Et le sujet, qu'est-ce que c'est? Là, on pourra en discuter. Ça serait des bons thèmes à avoir. Donc, je veux dire, on a. Pourtant, c'est une sociologie pointue et large. Bon, mais donc ça marche pas. Autre thème aussi où il y a des difficultés qui nous fait complètement problème, c'est le thème de ce qu'on peut appeler la rationalité, la recherche de rationalité avant tout. Alors ça rejoint des choses qui ont été dites tout à l'heure, c'est-à-dire que moi quand j'ai fait ce film-là, c'est-à-dire l'implantation de Merial en Chine, et les aléas, on a suivi tous les mouvements, j'ai un bonus là-dedans qui explique, bon, on donne quand même des explications après, et j'explique que là justement ce qui semble important, quand vous comparez l'implantation de Merial en Chine et l'implantation de Merial au Japon, alors ça serait intéressant par rapport à l'espace de sinisme global là, de l'Asie, en fait, moi, ce que je dis là, c'est que c'est une implantation qui n'a connu que des aléas. Vous avez l'implantation au Japon, rectiligne, même pour nous, pour un tournage, au yen près, les rendez-vous, etc., au Japon, absolument linéaire. Ici, complètement brisé, apparemment. C'est-à-dire que, alors, Merial veut venir s'implanter, ils n'ont pas le droit. Mais finalement, par un rachat, ils y arrivent quand même. Donc ils se disent, ça va, on a gagné. Et puis, à ce moment-là, le Minagri, donc, qui est le ministère de l'Agriculture, les rappelle et leur dit, ah ben non, bon, c'est bien, vous avez l'UNGV, vous n'avez pas le droit, mais écoutez, ça va, vous pouvez rester, mais vous allez avoir à demander toutes les autorisations. Et puis, problème, négociation, on peut vous l'accorder parce que, effectivement, vous savez, là, il y a une autre usine à Nanchang, il faudrait, si vous donniez un coup de main, vous pourrez... j'aimerais terminer sur la dernière partie, alors j'arrête ça, et juste ce que je voudrais dire, parce que c'est ça qui me semble le plus important pour éviter peut-être, je pense, y compris d'une part par rapport à nous ici, et à notre contemplation, voilà, on fait une certaine contemplation d'une œuvre qui par ailleurs est tout à fait importante, mais je crois qu'elle est tout à fait utile pour aujourd'hui. Moi, comment je m'en sors à partir de là? À partir de là, tous ces concepts, comment j'ai appelé ça? C'est, au fond, quand je vous disais ce que l'on ne voit pas, qu'est-ce que m'a appris le travail en Asie et l'ouverture de François Julien? C'est la réversibilité des concepts. Et ça me semble un terme tout à fait important, c'est-à-dire qu'il faut penser l'envers des choses, d'une certaine façon. Et moi, ce que j'avais appelé, j'ai commis un livre il y a quelque temps qui s'appelle « Les creux du social ». Il s'appelle « Le creux des choses ». C'est-à-dire cet endroit où justement, oui, parce que la dernière chose, c'était quand même le blocage entre rationnel et l'expression. Hein, bon, ben, ce qu'on a vu, c'est-à-dire, bon, une action chez nous n'est valable que si elle est exprimée. Bon, mais on sait que ça ne marche pas comme ça, les choses. Et que, donc, les creux du social, les choses qui se maturent, les choses qui ne s'expriment pas, et que, à savoir que l'indéterminé peut être tout à fait moteur dans des choses. Hein, ce qui a été dit tout à l'heure, le non-agir, c'est tout à fait ça. Et que ce genre de développement est tout à fait important. Et donc ça, on peut bien sûr l'appliquer à la Chine, mais on peut l'appliquer peut-être à notre civilisation aujourd'hui, à une lecture de notre monde aujourd'hui. On est quand même sur une sociologie, je dirais, et une lecture sociale globale, qui est extrêmement pessimiste parce qu'elle est négative. C'est-à-dire, il n'y a plus de communauté, il n'y a plus de collectif, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça, on est toujours sur le manque. Moi, ce que je serais tenté de dire, et ce que je cherche à écrire, et que m'aura aidé peut-être à positionner François Julien, c'est de dire, non, on est sur un autre mode de lien social qui n'a pas été, qui n'est pas uniquement sous le manque, qui est d'une autre nature et sur lequel il faudrait réfléchir un peu. Et c'est un mode que nous, alors, on appelle dans notre labo avec Claude Giraud et d'autres personnes, le commun. Alors, c'est pas le commun universel dont on parle parfois, etc. Le commun, c'est au contraire un lien social faible. C'est-à-dire que nous, on est pris dans notre monde qui se développe, comme on a vu, par, j'allais dire, une multitude de liens sociaux faibles. Voilà. Et qu'il faut réfléchir là-dessus et non pas sur la perte. C'est la perte d'une image, mais notre réalité aujourd'hui, c'est des gens ici qui sont toujours en réseau, qui sont au téléphone parfois dans une réunion comme celle-là, qui sont, voilà, et liés à la nature de quelque chose qui n'est ni du collectif, ni... est-ce qu'il n'y a pas une nature du social qui est... Enfin, il faudrait réfléchir à la nature des liens. C'est pas parce que les liens sociaux forts ne sont pas forcément les plus efficients. C'est un certain modèle. Le modèle communautaire ou communautariste est très fort. Le modèle collectif est très fort. Et actuellement, nous, on est sur autre chose. Alors, on peut dire que ça ne sert pas à grand-chose, mais moi, je pense que ça fait système. Ce système de ce que j'appellerais le commun. Le commun au sens, alors, réversible du terme. Hein, c'est-à-dire, il y a du commun parce qu'on partage des choses, puis le commun, c'est du banal aussi. C'est-à-dire, on a un monde peut-être plus banal sur un certain nombre de points. Plus banal, plus lié avec de l'indifférence structurelle, hein, je ne parle pas en termes moraux. C'est-à-dire que comme on a de multiples possibilités, on est indifférent à des tas de choses, à encore plus de choses, j'allais dire structurellement d'une certaine façon. Et que ça amène à repenser les choses un peu autrement. Hein, c'est-à-dire à dire, alors le décalage, à faire un décalage peut-être de point de vue, un décalage de pensée, pour analyser ça, effectivement, sans doute d'une autre façon. Et parce que ça, c'est le pendant de quoi ? C'est le pendant de notre hyper-institutionnalisation. C'est-à-dire que je crois que le phénomène marquant des dernières années, c'est ça, c'est qu'on est pris dans une hyper-institutionnalisation où chacun est dans sa boîte, chacun est dans son système, doit s'appuyer sur cette boîte. Les boîtes sont vissées en plus par de la gestion et par de l'économie. Et... alors, ça nous donne, on a de multiples possibles et de multiples liens qui sont des liens plutôt faibles, mais où l'indifférence rentre aussi en ligne de compte, et c'est un nouveau mode peut-être de gestion actuellement des types de liens sociaux et des rapports sociaux. Et que faire peut-être ce changement de regard, ce changement de perspective, et on peut s'appuyer, ça peut rejoindre un petit peu au fond, l'immanence dont je parlais en commençant, même si je n'ai pas pu expliquer ça dans les détails, cette espèce d'indéterminé. Il y a un indéterminé bon, où on ne peut pas avoir du lien tout le temps, on ne peut pas être toujours présent, notre modèle communautaire, notre modèle collectif, etc., il n'existe pas forcément. Enfin, je veux dire, ça n'est qu'un modèle historique. Et on a peut-être à prendre. Alors, on a à prendre du côté de ce qu'on peut apprendre en Chine, etc., sur ce thème des liens faibles, sur ce thème de cette multiplicité, et peut-être en réfléchissant sur notre aujourd'hui à partir de là. C'est-à-dire ne pas faire uniquement de la reconduction des catégories, mais les adapter à l'aujourd'hui, enfin moi c'est le chemin toujours en tout cas que j'ai commencé à faire et j'ai pu m'appuyer donc sur ce réseau et ces pensées là et que j'ai envie de développer. Et on rejoint alors très très peu, on rejoint très subrepticement quelques courants qui ont travaillé ça. Il y a des courants en philosophie, effectivement, la ligne de Hegel et compagnie, Hegel, Bergson, etc. En sociologie, on a eu Simmel, on a eu quelques analystes des liens faibles, mais pas beaucoup. Et je pense qu'il y aurait un énorme travail à faire autour de ça. Et j'ai envie de continuer à travailler en Chine parce que j'aime faire ce travail, mais aussi parce que ça m'éclaire énormément. Merci beaucoup, Monsieur Pernacane.